Pour les amateurs de plein air estival, BR Metal vous offre des foyers extérieurs pour bien égayer votre été. 100% local, fabriqué en usine, venez rencontrer nos spécialistes pour bien vous conseiller. BR Metal, au 353 Gustave Dessureau, Dolbeau-Mistassini, 418-276-5888. Le propriétaire, M. Robin Bouliane, souhaite une bonne saison aux golfeurs et il est très heureux de commanditer la chronique de golf du club de Dolbeau-Mistassini. On va parler de golf avec notre ami Sébastien Marceau de la chronique du club de golf de Dolbeau-Mistassini, présenté par BR Metal. Salut Sébastien. Salut Denis, ça va bien? Ça va bien. Sébastien, évidemment, c'est la période tranquille, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé au cours des derniers jours? Qu'est-ce qui s'est passé au dernier jour? On a eu le tournoi de la Chambre des commerces qui était très populaire. On a eu plusieurs participants qui étaient très plaisants. Combien? Une belle journée. On a eu 94 participants. OK, c'est très bon encore une fois. Une belle journée. Oui. Il a fait beau, puis c'était une belle journée. Ils ont eu un bon souper le soir, puis une belle soirée. Ouais. C'est bien déroulé. OK. Après ça, on a eu le Dolbeau Saint-Prime, qui était une belle participation de mes gens. Je sais pas si tu as vu des photos un petit peu des gagnants. Ouais. OK. On a eu le gagnant de la journée, c'est à moins 18, c'est M. Daniel Franca qui a gagné avec son équipe dans le catégorie A. OK. Dans le B, c'est Jean Lamotte qui a gagné son équipe. OK. Donc ça va quand même assez bien pareil et ainsi de suite là-dessus. Il y a eu le tournoi aussi de Dolbeau Saint-Prime. J'ai fait la chronique avec Junior, mais tu peux m'en parler. Toujours une chronique, toujours un tournoi apprécié par les gens de Dolbeau et de Saint-Prime. Oui, on a eu 80 personnes. On a eu 42 personnes de Dolbeau, 38 personnes de Saint-Prime. Ça a donné 80 personnes. On a fait une belle fin de semaine. Ça faisait beau. On a profité beaucoup. OK. Ensuite de ça, qu'est-ce qui s'en vient au cours des prochaines semaines? Il y a une réunion importante qui va avoir lieu jeudi. On a fait une réunion annuelle qui a été demandée beaucoup par les membres de Dolbeau. Le 4 juillet, le jeudi à 7h30. On a une réunion pour informer les membres comment ça va dans la saison, qu'est-ce qui se passe dans les Green Fee, qu'est-ce qui se passe dans le membership, qu'est-ce qui se passe dans tout ce qu'on a autour du golf. Là, on va lui donner beaucoup d'informations jeudi. OK. Donc, est-ce que ça va? Tu peux me dire en primaire, ça va-tu quand même bien, l'achalandage? Ça va-tu quand même intéressant? C'est-tu pas pire? Pour l'instant, Danny, ça va très bien. Ouais. Je peux pas te dire, les chiffres sont pas tout à fait sortis, mais je sais qu'on accote ce qui se passe l'année passée. Ah, okay. Ça fait que quand on accote, ça va bien. OK. Ben, ça fait le tour pour cette semaine, Sébastien? Oui, pour cette semaine, ça fait le tour. Ce qu'on a aussi samedi, on a un petit deux balles locales avec Saint-Prime qu'on s'est mixé. On a 40 personnes qui adaptent. On devrait être dans ce coin-là pour jouer ce tournoi-là. Mm-hmm. À part de ça, il y a le filet régional des hommes qui se tient à Dolbeau dimanche. OK. Le 7 juillet. Fait que il va y avoir plusieurs gens qui vont faire ce tournoi-là. Puis je vais te donner plus d'informations pour l'Assemblée générale et le tournoi de dimanche. Ça m'intéresse. Qu'on se parle mercredi prochain. Ça m'intéresse. Donc, Sébastien Marceau du club de golf de Dolbeau.